À l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de Burundi, le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Yong-nam, a envoyé le 1er juillet un message de félicitations au président burundais Pierre Nkurunziza. Le destinataire lui a exprimé certitude du développement continu des relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays, conformément aux intérêts communs, et souhaité succès dans ses affaires pour la sauvegarde de la souveraineté de la nation et le bien-être du peuple.